Ashrat al-sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. Faqad kafara bil Qur'an. Idha ash-shamsu kuwirat, wa idha an-nujum kadarat, wa idha al-jibal suyirat, wa idha al-'ishar 'uttilat, wa idha al-wuhush hushirat. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. On est toujours dans les signes de la fin des temps, et la semaine dernière on avait parlé du hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a parlé de la venue de l'heure, et il a dit ne viendra pas l'heure avant que wayadhharu riba. Ici, c'est-à-dire il y aura l'apparition de riba, les intérêts usuraires. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas de riba. Walakin lamma qala alayhi salatu wassalam, quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit yadhharu riba, c'est-à-dire ça va apparaître de façon plus prononcée. D'accord? Ça va se multiplier. Le fait que les gens travaillent avec riba, le fait que les gens mangent riba, le fait que les gens donnent à manger riba, le fait que les gens soient témoins d'une transaction d'intérêt usuraire riba, etc. Yadhar riba, c'est-à-dire que ça va être de façon plus prononcée, d'accord? Et les gens vont banaliser ce péché qui est le fait de manger ou donner à manger ou d'être témoin, d'accord? Ou bien d'être le scribe d'une transaction d'intérêt usuraire. Et tous les signes qu'on est en train de citer, ou plutôt la plupart des signes, rentrent dans le terme al-fitan. Et on avait déjà parlé de l'fitan, et l'fitan, on avait dit, c'était les troubles ou bien les épreuves mauvaises. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, bayana alayhi salatu wassalam, anna fi akhir al-zaman, takthuru al-fitan. Il a rappelé le prophète, alayhi salatu wassalam, de façon générale, dans un hadith rapporté par Muslim et d'autres, que ici, vers la fin des temps, va se multiplier al-fitan. C'est-à-dire les épreuves dures, mauvaises, pour le croyant, pour la croyante, pour le musulman, pour la musulmane, pour l'ensemble des gens. Il y aura de plus en plus de fitan. Et c'est ce qu'on est en train de voir ici, à travers cette série de cours concernant les signes de la fin des temps. On voit qu'il y a de plus en plus de fitan, de troubles qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est la preuve que nous sommes très très proches de la grandeur qui est l'heure dernière, l'heure de la fin du monde. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam aussi, alhamdulillah, il nous a réconforté quelque part. Il nous a rappelé que le fait que certaines personnes appliquent leur religion, d'accord, qui vont s'accrocher avec le Coran al-Karim, à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, fi waqt al-fitan, ici ils ont une énorme récompense, comme il est relaté dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et d'autres authentifiés par Cheikh al-Albani, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il viendra ici une époque ou alors des temps de patience. La personne qui s'accrochera, d'accord, à sa religion, il sera comparable à celui qui touche ou qui prend plutôt une braise de feu ou des braises de feu dans ses mains. Tellement qu'il y aura le fitan, il sera comparable, celui qui s'accroche à la religion, d'accord, au moment où il y aura ces troubles, comme celui qui a des braises de feu dans les mains. Tellement que c'est dur à tenir les braises de feu, ça sera dur à tenir sa religion, à s'accrocher au Coran, à s'accrocher à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qu'on vit au jour d'aujourd'hui. Naam, c'est ce qu'on vit. Voilà qu'il le prophète alayhi salatu wassalam a dit leur récompense, il parle de al-ajr, il parle de al-ujur, les récompenses qu'ils auront sera comparable à 50 personnes. Ils ont dit ya Rasulallah, minhum, de 50 personnes d'entre eux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit minkum, d'entre vous. Ils auront la récompense de 50, c'est-à-dire 50 compagnons. Est-ce que ça veut dire qu'on sera meilleur que les compagnons? Abadan. On a dit avoir la récompense ou plus de récompense, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça remplace l'action. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que certaines actions nous donnaient la récompense d'une umrah, la récompense d'un hajj. Est-ce que ça nous enlève la responsabilité de faire al-umrah ou bien al-hajj? Non. Là on parle de récompense. Ça ne veut pas dire que ça remplace l'action, d'accord? Ou que c'est meilleur que faire l'action. C'est pour ça que nous disons as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum atharu an-nas wa afhamu an-nas bi ijma'i al-ulama ba'd al-anbiya'i war-rusul. À l'unanimité des savants, ce sont les personnes les plus pieuses, les personnes qui ont eu la meilleure des compréhensions de la religion après les prophètes et les envoyés. Donc personne ne pourra dire je suis mieux qu'un sahabi, je suis mieux qu'un compagnon. Walakin, on aura la récompense de 50 compagnons, plus de récompenses dans certaines actions. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on sera meilleur qu'eux ou qu'on va les devancer. Abadan. Donc ici nous disons, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bouchra du prophète alayhi salatu wassalam. Pour que le croyant se réjouisse et ça le motive à s'accrocher à cette religion dans cette époque où c'est dur de s'accrocher à sa religion. Et c'est pour ça qu'on cite souvent le hadith rapporté par Muslim où le prophète alayhi salatu wassalam a dit bada al-islam ghariba wa sayaud ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Toujours le prophète nous remonte le moral. Il y a 14 siècles et il parle à cette communauté qui vit au jour d'aujourd'hui à l'époque de l'fitan et il dit l'islam a commencé comme étranger et il repartira comme étranger, passez la bonne nouvelle aux étrangers. Passez la bonne nouvelle aux étrangers, comme on l'a dit souvent. Ibn al-Qayyim al-Jawziya a dit, Touba, c'est un arbre au paradis, c'est comme si le prophète disait, le paradis al-Jannah, lil-Ghuraba, pour les étrangers. Donc ici, c'est une bonne nouvelle du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais le fait est là. Le prophète a dit, ça va être très difficile. Donc si ça va être très difficile de s'accrocher à la religion, à cause des fitan, à cause de, à ce qu'on a cité. Par exemple, Oyadharu Zina, on en a parlé. Est-ce que Zina, ça existait à l'époque du prophète? Naam. Walakin, quand le prophète il dit, Wayadharu Zina, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de fornicateurs, de plus en plus de fornicatrices. La fornication va être ici un péché plus prononcé qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Un péché qui va être fait de façon plus ouverte, sans être complexé, et en minimisant ce péché-là. Donc ça, ça fait partie de l'fitan. Donc il y aura une facilité, d'accord, plus prononcée pour tomber. Qui va nous faire tomber dans la fornication qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Tellement qu'il y aura riba, les intérêts usuraires, ça sera plus facile de pratiquer les intérêts qu'à une certaine époque. Tellement que, donc c'est ce qu'on est en train de citer là. Les signes de la fin des temps. Et parmi ces signes, je ne dis pas tous les signes, parmi ces signes, on voit beaucoup de signes qui nous rappellent que ces signes font partie de l'fitan. C'est-à-dire les troubles, les mauvaises épreuves. Comme on l'avait cité et déjà expliqué dans les précédents cours. Voilà qui nous, ce qui nous importe, c'est comment réagir alors. On sait que ça va être de plus en plus dur de tenir sa religion. D'accord? Jusqu'à ce que le prophète a dit, il repartira étranger. Et c'est une des épreuves qu'on retrouve le plus au jour d'aujourd'hui. C'est l'étrangeté. C'est les gens qui viennent et qui nous disent, walakin, j'ai des problèmes avec ma famille. Mon père, muslim, ma mère, muslim, alhamdulillah. Walakin, ils n'acceptent pas ma pratique religieuse. Ajib. Pourtant, ils disent, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mais ils n'acceptent pas que je mette le hijab. Ils n'acceptent pas que je fasse ma prière à la mosquée. Ils n'acceptent pas que je mette la barbe. Ils n'acceptent pas. Pourtant, c'est des musulmans. Et on n'est pas là pour critiquer ces parents qui réagissent de cette sorte. En général, c'est à cause de l'ignorance, malheureusement. Voilà qu'ils nous disent, regardez, l'étrangeté, quelle dure épreuve. Le fait d'être étranger parmi les étrangers. Les musulmans sont vus quelque part par certaines personnes, certains musulmans, comme des étrangers. Mais c'est encore plus dur de se voir étranger dans ta famille. Tes parents sont étrangers, walakin, chez tes parents, toi t'es un étranger. Ou alors, l'inverse, le cas inverse, ça arrive. Des parents, moi j'en ai vu des cas, encore une fois, ici, ou plutôt il n'y a pas plus de 2 semaines, une mère qui pleurait devant moi. Wallahi l'adim, devant moi, quand on était à Paris, ici lors des questions-réponses, une mère qui pleurait, mashallah, très âgée. Elle dit, mes enfants, à chaque fois que je parle à mes petits-enfants, c'est-à-dire à leurs enfants, et je leur dis juste simplement, dites bismillah, ils me crient dessus, ils me blâment et ils me mettent en garde. Si tu continues encore à réagir comme une intégriste, ça va aller mal. Une mère musulmane qui me disait ça, elle pleurait, elle dit, comment je fais? Est-ce que ici je tire ma responsabilité, je continue à leur dire, mais je peux avoir des problèmes parce qu'ils ont dit une fois que j'étais folle, ils voulaient me ramener à l'asile. Ces enfants musulmans. Et elle dit, est-ce que je cache? Walakin, si je cache, j'ai une responsabilité. Comment je fais? Qu'est-ce que tu veux lui dire? Subhanallah, billahi alaykum. Donc la preuve que ça va des deux sens. Quelquefois, c'est les parents vus étrangers par les enfants, et quelquefois, les enfants vus comme étrangers par rapport aux parents. Yani, on dit, on est dans une époque étrange. Et ça, le prophète alayhi salatu wasallam a dit, passez la bonne nouvelle aux étrangers. À tous ceux qui vivent ces épreuves dans leur famille, au sein d'une ville, dans une mosquée, etc. Passez la bonne nouvelle aux étrangers. Walakin, le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné des moyens. Il nous a pas délaissés comme ça. Il nous a pas abandonnés. Hacha lillah, le prophète alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jalla nous ont pas abandonnés. Ils nous ont donné des moyens pour s'accrocher à sa religion, ne pas glisser, ne pas avoir des grosses pertes de iman jusqu'à délaisser la religion, wal'iyadu billah, et mourir sur une autre religion que l'islam. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha. Allah Azza wa Jalla nous enjoint de craindre Allah plusieurs fois dans le Coran al-Karim. Il nous dit, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. C'est ça le but. Le but, an-natija, ici, le but, le résultat qu'on doit acquérir ou atteindre, c'est quoi? De mourir musulman. Khlas, t'as tout gagné. Man asha ala shay'in mata alay, wa man mata ala shay'in bu'itha alay. Ça y est, tu ressuscites auprès d'Allah, musulman. Soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as réussi l'examen. Man kana akhiru kalamihi min hadhihi al-hayati dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. C'est lui qui sa dernière parole ici de cette vie d'ici bas. Il part avec la dernière parole la ilaha illallah. Il rentre où? Il rentre en enfer ou au paradis? Il rentre au paradis. Donc tu meurs musulman. Avec ce raffermissement, tu as tout gagné, Abdallah. Mais comment être ferme? Ne pas glisser? Je vous renvoie à la dernière, au dernier sermon, la dernière khutbah que j'ai fait, le Jumu'ah. On a parlé de quoi? Al-thabat. Ala dinillahi azza wa jal. Ala al-haq. Hatta talqah. Jalla jalaluhu. Jusqu'à ce que tu le rencontres. Qui est Allah azza wa jal? Ici, on a donné des moyens. Parmi ces moyens, on va faire une petite mouraja, une petite révision. Quels sont quatre moyens pour rester ferme sur la religion? Surtout, fi waqt al-fitan, à l'heure, à l'époque, d'accord, au moment des épreuves, comme ce qu'on vit à notre époque, on a besoin de ça, c'est une chose qu'on doit connaître. Awwalan, on avait dit, ad-du'a, d'accord, ad-du'a, l'invocation, al-isti'ana, ici, chercher secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ad-dalilu ala dhalik, la preuve de cela, le prophète nous a enseigné cette parole, ce dhikr qui est, la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-isti'ana billahi azza wa jal. Al-wahid. Que Allah subhanahu wa ta'ala l'unique. Al-dalilu ala dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, si nous ne t'avions pas raffermi, ah, le prophète, Allah lui a dit, si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais failli t'incliner quelque peu vers eux. Subhanallah. Donc Allah il dit au prophète alayhi salam, tu as besoin de nous, de notre aide. Donc, ad-du'a. Et parmi les invocations que le prophète a.s. récitait le plus, comme Aïcha l'a dit, c'est quoi? Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. Ah, on parle de thabbat al-ithbat, thabbit qalbi ala dini. Oh, toi qui tournes les cœurs, laisse mon cœur dans la religion. Ad-du'a. On a besoin de ça. Parce qu'on est en train de citer beaucoup de fitan là. Beaucoup d'épreuves. Walakin, il est où? Il est où le résultat là? Le résultat, ou plutôt, elle est où la solution? Il y a des solutions. Ces solutions, c'est ce qu'on est en train de citer maintenant. Ad-du'a. Al-isti'ana billahi azza wa jal. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Deuxième des choses. Al-Qur'an al-Karim. La preuve de cela, ils ont dit. Et pourquoi nous n'avons pas descendu Al-Qur'an al-Karim, c'est-à-dire Al-Kuffar, ils ont dit ça au prophète alayhi salatu wa salam. Jumlatan wahida. D'un seul coup. Regardez, ils cherchent toujours des excuses. Mais si c'est un prophète, pourquoi Allah n'a pas descendu le Coran al-Karim d'un seul coup sur le prophète alayhi salatu wassalam? Pourquoi Allah ne l'a pas révélé au prophète d'un seul coup? Allah azza wa jalla il répond, il dit كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ قَلْبَكَ. C'est ainsi pour que nous raffermissions ton cœur. Ah, Allah il parle de quoi? Al-thabat, le raffermissement. À travers quoi? Al-Qur'an al-Karim. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ أي بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ قَلْبَكَ. Pour raffermir ton cœur. La preuve que si tu lis de façon régulière Al-Qur'an al-Karim, ça va être une des causes parmi les causes qui vont faire que tu vas être ferme. Tu vas raffermir ton cœur. Et le cœur, ou al-Malik, c'est lui le roi. Donc le cœur va commander les soldats, c'est-à-dire les membres, de faire des bonnes choses. Donc tu vas être ferme sur la religion. D'accord? لِنُثَبِّتَ بِهِ قَلْبَكَ. Al-Qur'an al-Karim. Troisième des choses, il y a quoi encore? Al-Iman. Ah, al-Iman. On a besoin de quoi? Al-Iman. La preuve de cela, la foi. Allah Azza wa Jalla dit, il dit quoi Allah subhanahu wa ta'ala sur les croyants? يُثَبِّتُ اللَّهُ. Ah, on parle encore de ثَبَت. Subhanallah. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah il dit, et il parle de ces gens-là qui vont être raffermis. Et c'est qui? يُثَبِّتُ اللَّهُ. Allah raffermi qui? الَّذِينَ آمَنُوا. Les croyants, ceux qui ont cette foi. Donc qui ont préservé cette foi-là. الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Avec la parole ferme. La majorité des exégètes ont dit c'est la ilaha illallah fil hayati dunya isiba wa fil akhira. Mais qui ils vont être? Quelles sont ces personnes qui vont être raffermies? Parce qu'on a besoin cette parole qui est la meilleure des paroles sur la surface de la terre. La ilaha illallah alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhira. Donc al-iman, et on a dit al-iman yazidu bi ta'ati Allah wa yanqusu bil ma'asi. Il augmente. Donc ça on a compris al-iman. Mais comment préserver cet iman? Il faut le Il faut le préserver, cet iman, cette foi. Il faut le travailler. Il faut le faire augmenter. Comment? Il augmente avec les actes d'adoration, les actes d'obéissance, tobi Allah Azza wa Jal, et il diminue avec les actes de désobéissance. Et on avait cité le hadith long, authentifié par Cheikh Al-Albani, où le prophète a dit à chaque fois que le serviteur fait une mauvaise action, un point noir vient s'inscrire dans son cœur. Quand il se repent, il demande pardon, Allah Azza wa Jal le débarrasse de ce point noir. Et tant qu'il ne cesse de faire et de répéter les péchés, son cœur ne cesse de s'envelopper, de devenir noir et de plus en plus noir jusqu'à ce qu'il soit enveloppé. Et cette souillure a été expliquée par le verset coranique où Allah dit dans le Coran al-Karim « Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun » Mais non, c'est ce qu'ils ont œuvré qui a couvert leur cœur. Donc Allah il dit que ceux qui ont l'iman, qui préservent cet iman, cette foi, ici ils seront raffermis. Donc on parle toujours avec des preuves du Coran et de la Sunna bi fahmi salafil umma. Et la dernière des choses, pour être raffermi sur l'islam, ah c'est sur cette religion qu'on veut être raffermi, c'est sur l'islam, être musulman. Car Allah il dit dans le Coran, inna dina indallahi al-islam. Allah il a dit la religion agréée auprès d'Allah, c'est quoi? C'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Celui qui agrée, accepte une autre religion que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui. C'est l'islam, c'est ce qu'on veut. Et pour qu'une action en islam soit acceptée, il faut deux conditions. Al-ikhlas lillahi azza wa jal. Être sincère. Même si tu fais du bien, tu ne le fais pas pour Allah, ça part dans le vent. Et la deuxième des conditions, ici, que ça soit conforme à la législation. Ce que Allah a dit, a révélé, ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit et nous a enseigné. Alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Donc ici, nous disons, on veut rester ferme dans cette religion. Pour rester ferme dans cette religion, dans l'islam, le prophète il dit, المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. Le croyant, la personne est sur la religion. Ah, on parle d'une religion. Et nous, on veut rester ferme sur l'islam et sur la religion de celui qui prend pour ami intime. Donc ici, tu vas suivre ici le comportement, la voie, le minhaj, la religion de celui que tu prends pour intime. Que chacun d'entre vous surveille bien qui prend pour ami intime. Comme قال عليه الصلاة والسلام. Donc, on dit parmi les causes qui vont faire que, ou parmi les causes qui vont faire de toi une personne qui reste ferme et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te raffermir et tu vas faire partie des personnes qu'Allah va raffermir, c'est que ta fréquentation, c'est une bonne fréquentation. Des gens pieux, des gens vertueux. Comme a dit alayhi salatu wa salam, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Ne prends comme ami qu'un croyant et ne mange de ta nourriture qu'un pieux. Plus la personne est proche de toi, et plus la personne se doit d'être pieuse. Et c'est ça, les gens qui se concurrencent dans le bien. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Ici, tu te concurrences pas dans le mal, dans le bien. Mais si tu veux te concurrencer dans le bien, avec des frères, toi ma sœur avec des sœurs. Donc Allah il dit de se concurrencer. Mais dans quoi? Dans le bien ou bien dans le char? Dans le mal, dans le bien. Mais si tu côtoies des gens mauvais, comment tu veux te concurrencer avec eux dans le bien? C'est pas possible. Lui va faire du mal, toi tu veux te concurrencer avec lui dans quoi? Dans rien. Tandis que, ici, ou si ce n'est dans le mal, mais si c'est une personne qui fait du bien, là, à ce moment-là, tu es concerné par le verset coranique, et c'est dans ces choses-là, dans ces œuvres-là, ici, que se concurrencent les concurrents. Donc si tu veux être encadré par ce verset, suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de toi, tu te dois d'avoir des gens qui agissent en bien pour être avec eux dans la concurrence dans le bien. Et ça rentre aussi dans le verset coranique, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Et là, bien sûr, tu es conforme ou alors tu te conformes au verset coranique où Allah dit entraidez-vous ensemble dans le bien. Si tout le monde est dans le bien, c'est pas une personne qui est dans le mal, il va te traîner vers le mal. L'être humain, il est faible. Entraidez-vous dans les œuvres de bien et de piété, parce que ici le mal attire plus que le bien. Et tomber dans le mal, c'est plus facile que être dans le bien. Pourquoi? Car il y a plus de mal autour de nous. Allah Azza wa Jalla a dit, wa in tuti' akthara man fil ard. Si tu obéis à la majeure partie des habitants de la surface de la terre ou de la terre, la majeure partie des gens, ils vont t'égarer du sentier d'Allah. La preuve qu'il y a plus de mal autour de nous que de bien. Donc si toi, ton environnement, tes frères, ton épouse, ton père, ta mère, tes enfants, ton environnement dans lequel tu vis tous les jours, t'essaies pas de faire le maximum d'efforts pour le purifier, tu vas être attiré facilement, plus que cela, très facilement vers le mal, ash-shar, ici, malheureusement. Donc nous disons, il y a des règles de façon très brève que j'avais citées lors du sermon du vendredi, qui nous permettent d'éviter de tomber, ou bien, plutôt, d'éviter de tomber, aussi d'être ferme, de ne pas glisser lors de cette époque qu'on est en train de vivre, que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné, dont le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé qu'il y aura de plus en plus de fitnes. À droite, tu arrives à t'en tirer d'une fitna, fitnatul riba, tu tournes ta tête à gauche, fitnatul nisa. Tu t'arrives à t'en tirer fitnatul nisa, tu regardes devant toi, fitnatul ghina. Là, l'épreuve de la musique. Tu tournes ta tête à un truc, t'as réussi à t'en tirer. Il y a des fitnes partout. Quelqu'un qui arrive à partir d'un côté, il retombe facilement d'un autre côté, peut-être dans une autre fitna. Ou alors, on va dire, il est confronté à une autre fitna. Donc ici, on a besoin de ces moyens pour rester ferme. Pour rester ferme jusqu'à ce qu'on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Et rester ferme, ayyuhal ahibba, c'est le fait de rester sur al-istiqama, sur la droiture. C'est ça une personne droite. Une personne qui reste ferme, c'est une personne qui reste sur la droiture tout au long de sa vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran al-Karim quand il dit إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Allah عز وجل dit ce qu'ils disent إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ. Ça ne suffit pas le kalam. Al-Iman, qawlun wa amal. رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Ensuite, ils se sont tenus fermement sur la droiture, sur le chemin de la vérité, sur l'islam. Ah, ils n'ont pas glissé, ils se sont tenus fermes. Les convictions, ils souhaitent ici rencontrer Allah Azza wa Jal, alors qu'Allah est satisfait d'eux. Ils savent qu'ils peuvent mourir à n'importe quel endroit. Ils peuvent glisser un peu, mais ils ne tombent pas dans le kaba'ir. Ils ne glissent pas jusqu'à délaisser leurs convictions religieuses, leurs préceptes religieux. ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Leur récompense, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. العلماء, ils disent, parmi les gens de science, deux fois ils descendront à الملائكة. Une fois عند السكرات, au moment de l'agonie de la mort, et une fois au jour de la résurrection, dans l'akhira. على كل حال, ils vont descendre. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ. Qu'est-ce qu'ils vont leur dire? أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. N'ayez pas peur et ne vous affligez pas. وَأَبَشِرُوا. Et recevez la bonne nouvelle. بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Du quoi? Du paradis qu'on vous a promis, que vous attendiez. Regardez la bonne nouvelle. Contrairement aux gens qui ne se sont pas tenus sur l'istiqama, qui recevront la mauvaise nouvelle, wal'iyadu billah, par les anges quand ils vont arracher leur âme et qui vont leur rappeler qu'ils sont voués en enfer. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc on a besoin de l'istiqama. Wala hawla wala quwwata illa billah. Parmi ashratu sa'a, les signes de la fin des temps, on rentre encore dans une fitna parmi al-fitan. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné dans le hadith rapporté par Ibn Majah, authentifié dans Sahih al-Jami' par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit sayakunu fi akhir az-zaman. Il y aura dans la fin des temps, ou vers la fin des temps, il dit khasfun wa qasfun wa masakh aw wa maskhun. Il dit il y aura alayhi salatu wassalam engloutissement dans la fin des temps. Engloutissement, est-ce qu'il y a des engloutissements maintenant? Naam, engloutissement. Pluie de pierre et transmutation. Pluie de pierre et transmutation. Qila wa mata dhalika ya rasul Allah. Ils ont dit, et quand cela, au messager d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit idha dhaharat al ma'azif wal qainat. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit il se passera cela quand vont apparaître, écoute bien, les, il a pas dit la musique, al ma'azif, c'est les instruments de musique, et les jeunes chanteuses. Les instruments de musique et les jeunes chanteuses. Wa huwa man huwa? Huwa alladhi la yantiqu 'anil hawa, alayhi salatu wassalam. C'est le prophète qui l'a dit à 14 siècles. Le hadith, il est authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Il a rappelé qu'il y aura ça, il se passera ça, des pluies de pierre, transmutation et engloutissement. Mais quand? Ah, bima kasabat aydin nas, comme a dit subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ce que les mains des gens ont causé. C'est nous qui provoquons ici le malheur qui nous arrive. Et le bien et le mal proviennent de qui? Al-Jalil. Allah Azza wa Jal. Walakin, quand il t'arrive un mal, c'est toi qui as provoqué ce mal. Car au moment présent, on a le libre arbitre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné le libre arbitre. Mais tout ce que tu fais, وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut, Seigneur des mondes. Walakin, quand il t'arrive un mal, c'est Allah qui l'a voulu, mais c'est toi qui l'a provoqué ce mal. Bima kasabat aydikum. C'est ce que vos mains ont causé, c'est ce que nos mains ont causé quand il nous arrive un mal. Wala hawla wala quwwata illa billah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit aussi dans un hadith connu, rapporté par Al-Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun. Ah, il y aura dans ma communauté, ce hadith qu'on cite souvent, c'est ça qui fait mal. C'est quand ça vient de l'intérieur. Quand ça vient de l'extérieur, c'est une chose. Des non-musulmans, avec tout le respect qu'on doit aux non-musulmans, avec tout le respect qu'on doit aux juifs, aux chrétiens, mais qu'ils n'apprécient pas des choses venant de l'islam, c'est une chose. Walakin, quand ça vient des musulmans, ça fait encore plus mal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à 14 siècles, ou plus de 14 siècles à son époque, لا يكونن من أمتي أقواما يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه الإمام البخاري. Certains disent oui, mais la chaîne d'authenticité authentifiée par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ici le prophète عليه الصلاة والسلام a dit il y aura au sein de ma communauté des gens qui rendront licite la fornication. On en avait parlé. Et donc az-zina pour eux ça va pas être aussi grave que ça. Ils vont même peut-être le rendre halal, wal'iyadu billah. La soie, le vin et les instruments de musique. Le vin aussi, on va en parler, ça fait partie des signes de quoi? Min ashrati sa'a. On va parler de l'khamr. Le prophète alayhi salatu wassalam, il en a parlé aussi dans les détails, on va le voir incha'Allah ta'ala. Et ici, al-ma'azif, ce n'est même pas la musique. C'est les instruments de musique. Ce que tu retrouves même au jour d'aujourd'hui. Les tambours, les guitares, les musiques, tout ce qui est instruments de musique, piano, etc. Et les gens disent, c'est pas grave. Pourtant, les textes sont clairs. Les textes sont clairs. Les textes sont clairs. Du Coran et de la Sunna, bifahmi salaf al-umma. Et là, je ne parle pas de moi-même. Hada laysa minni ana. Walakin min alladhi la yantiqu 'anil hawa, alayhi salatu wassalam. Et on va parler directement des textes provenant du Coran, al-Quran, al-Karim. Concernant al-ghina, concernant al-musiqa, on va en parler dans les détails, al-ma'azif bi'idnillahi azza wa jal. Donc il a dit, des gens vont rendre autorisés al-khamr, c'est-à-dire tout ce qui est alcool, ils vont en autoriser la fornication, la soie et les instruments de musique. Et il dit, alayhi salatu wassalam, et des gens s'installeront près d'une haute montagne, par où passe un berger, avec son troupeau et un pauvre viendra à eux pour un besoin. Ils lui diront, reviens vers nous demain. C'est alors qu'Allah les fera périr, ébranlera la montagne et transformera d'autres en singes et en porcs jusqu'au jour de la résurrection. وَهَذَا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. On le répète encore. Ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas inéquitable. Allah azza wa jalla, il n'est pas injuste. Comme par exemple, on trouve des non-musulmans. Souvent, ils disent ça. C'est une phrase type chez eux. Ils disent, walakin, si vous vous dites qu'il y a un Dieu, miséricordieux, clément, ar-Rahman, ar-Rahim, comme vous dites, qui existe, comment ça se fait qu'en Somalie, il y a des pauvres? Comment ça se fait qu'il y a des pauvres partout? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des meurtres? فَهَذَا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala ici qui a voulu qu'il arrive ça? Oui, walakin, qui a provoqué cela? C'est l'être humain. Est-ce qu'Allah azza wa jalla, il veut le mal pour l'être humain? Je dis pas pour les musulmans, pour l'être humain. Il veut pas de mal pour les êtres humains. À la base, Allah azza wa jalla, il veut du bien pour les êtres humains. La preuve, il a envoyé Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim rahmatan liman lil alamin. Comme miséricorde, il rappelle, c'est pour tout le monde qui veut le bien. Pour l'ensemble de l'humanité. Voilà que les gens sont têtus. Et les gens ne veulent pas écouter. Ou du moins, ils écoutent avec leurs oreilles, pas avec le cœur. Wal'iyadu billah. Donc, est-ce que ça fait d'Allah subhanahu wa ta'ala une personne injuste? Oui, pour moi, je suis pas convaincu. Continue avec moi. Donc, nous disons que tous les policiers, tous les juges, tous les tribunaux, il y a que des personnes injustes. Pourquoi? Combien de personnes y sont emprisonnées? Combien de personnes y sont? Bah, msakin, ils ont pas. Mais pourquoi ils sont emprisonnés? Pourquoi ils ont eu de la prison à faire? Pourquoi ils ont eu telle condamnation? Pourquoi? Parce qu'ils ont, fait du mal. Donc ils ont payé. D'accord? Il y a eu un mal qui a été fait. Mais c'est qui a fait ce mal? C'est lui. Il a mérité d'être châtié quelque part ici-bas. Est-ce que ça veut dire parce que ici la personne qui l'a châtié ou alors qui l'a condamné, parce qu'il l'a condamné, c'est une personne injuste? Bien au contraire, on va dire c'est quelqu'un d'équitable. Pourquoi? Parce qu'il a évité que cette personne porte préjudice à d'autres personnes. Voilà quand Allah Azza wa Jal, il dit, quand vous faites telle et telle action, ou vous multipliez telle et telle désobéissance, voilà ce qui vous arrivera. Pourquoi? Pour que ça soit, comme Allah dit dans le Coran al-Karim, on envoie des signes pour faire peur aux gens, pour que les autres personnes autour se réveillent. C'est pour ça les gens de science, ils disent, un tremblement de terre par exemple, on ne voit pas que le mal dedans c'est un bien. Ça c'est un signe d'Allah Azza wa Jal pour réveiller les autres personnes. Pour avertir, attention, réveillez-vous. Donc Allah Azza wa Jal, il rappelle ici que ne soyez pas parmi les insouciants. Donc c'est un bien. Et s'il arrive ces tremblements de terre, c'est à cause de nos actes de désobéissance. C'est nous qui avons provoqué ce mal. Donc Allah, il est équitable. Allah, il est juste. Et avec cela, bien qu'on désobéit, bien qu'on insulte Allah pour certains, bien que ici on tombe dans le kufr, dans la mécréance, on insulte la religion, Allah Azza wa Jal, ces personnes-là qui font ces actes détestables que je viens de citer, Allah, il les nourrit. Il leur permet de respirer, il leur permet de voir, il leur permet de s'amuser, il leur permet d'avoir de la clémence et de la miséricorde, d'avoir des sentiments, d'avoir ces sentiments de joie. Alors pourtant, ils font tout ce mal envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal leur donne encore l'opportunité de revenir, de se repentir, tant que ici l'âme n'est pas arrivée entre les deux clavicules. Ensuite, on va dire, Allah est injuste et inéquitable. Hasha lillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal, le plus sage des justes? C'est que les gens ont mérité. À cause de quoi? Des actes de désobéissance qui ne cessent de répéter. Et ces actes de désobéissance ne font que du mal à l'être humain. Mais l'être humain ne cesse de répéter cet acte, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Parce que l'être humain ne cesse de faire du mal aux gens, à lui et à son entourage. Donc il faut l'arrêter quelque part. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des châtiments ici-bas. Avant le-delà, pour que ça soit un signe pour les gens et pour que les gens se réveillent. Les gens qui, billahi alaykoum, boivent de l'alcool, est-ce qu'ils se font du mal à eux et aux gens? Naam. Il boit de l'alcool, il prend une voiture, il roule sens inverse sur l'autoroute et il va écraser ou alors il va rentrer dans une famille, Msakin, peut-être des enfants, des bébés, des innocents dedans, ils vont tous mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Msakin? Rien. À cause de qui? À cause de celui qui boit de l'alcool. Donc est-ce que ici cette personne mériterait le châtiment? Il mérite le châtiment. Donc c'est lui qui a provoqué ça, c'est lui. Est-ce qu'on va dire miskin? Oui, mais pourquoi il va être châtié? Ou alors pourquoi il mérite ça? Mais regarde cette situation par exemple. Qu'est-ce qui mérite cela qui était en face dans la voiture? Où il y avait des innocents et des bébés. C'est qui a fait ce mal-là? C'est cet homme-là, cet alcoolique qui a pris sa voiture qui a fait ce mal. Allah n'aime pas le fasad. Allah Azza wa Jalla yuhibbu al-fasad. Il n'aime pas la corruption, il n'aime pas le désordre, il n'aime pas le mal. C'est nous qui provoquons ce mal. Et tout ce que Allah a interdit dans l'islam, c'est une chose mauvaise pour la société et toutes les sociétés, tous les êtres humains. Ça, c'est, il faut le mettre dans sa tête. Et quand Allah Azza wa Jalla leur donne quelque chose, il légifère quelque chose, c'est obligatoire, c'est obligé, et on doit avoir une croyance ferme dans cela, c'est un bien, non seulement pour les Arabes, non seulement pour les musulmans, non seulement pour les Américains, non seulement pour l'ensemble de l'humanité. C'est obligé. Dites-moi billahi alaykoum. Si tous les êtres humains appliquaient les préceptes de la religion, est-ce qu'il y aurait des alcooliques? Est-ce qu'il y aurait des gens qui vendraient de la drogue? Est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient dans la drogue en train de se détruire eux et leur famille? Est-ce qu'il y aurait des meurtriers? Est-ce qu'il y aurait des menteurs? Est-ce qu'il y aurait des tricheurs? Est-ce qu'il y aurait des voleurs? Si on mettait en application ce mode d'emploi, ce mode de vie, Al-Qur'an al-Karim et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Non, la preuve que c'est une religion saine. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla nous a ordonné? De ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas voler, d'avoir un bon comportement. Il nous a interdit de boire de l'alcool, il nous a interdit de vendre de la drogue. Que des choses bonnes, que même les non-musulmans, ils s'efforcent à gaspiller des milliards pour des spots publicitaires et ils n'arrivent pas à convaincre les gens comme il se doit. Si les gens disaient simplement « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah », ils se pliaient à ces commandements divins et prophétiques, l'histoire était réglée, sans gaspiller des millions et des millions. La preuve que la plus grande des richesses, c'est quoi? La richesse du cœur. C'est la plus grande des richesses que peut avoir l'insan, l'être humain. C'est pour ça que nous disons, quand on voit dans les profondeurs, c'est-à-dire dans les profondeurs des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses qu'Allah azza wa jalla nous a interdites, quand on voit cette chose-là, cette interdiction, dans les détails et dans ses profondeurs, on voit qu'il même quelquefois de façon apparente, ça nous paraît comme être une chose banale, c'est pas grave, pourquoi, je comprends pas. Mais quand tu regardes dans les détails, tu vois que c'est un énorme bien et que Allah azza wa jalla a interdit cette chose-là. À titre d'exemple, la musique. Là, on a rapporté les faits. Qu'est-ce que méritent ceux qui écoutent la musique? Walakin, ayu al-ahibba, quand on sait que la musique, c'est un excitant, qui excite plus que des drogues. Et quand une personne est excitée, elle est hors de lui. Et elle ne peut plus raisonner comme il se doit. Et elle a besoin de cet excitant, ici, pour désobéir, et pour tomber dans la fornication, et pour faire des choses illicites, elle a besoin de cet excitant. Quand tu rentres dans les détails sur la musique, tu vois que c'est un grand mal. C'est une grande calamité qui a touché beaucoup de musulmans et non-musulmans, et particulièrement les jeunes, même les personnes âgées, mais même les jeunes. À titre d'exemple, quelqu'un va nous dire, oui, tu me dis l'alcool, c'est grave. C'est clair, il n'y a pas de problème. On est d'accord. Tu me dis, allez côtoyer des filles, côtoyer des femmes, c'est grave. Même un non-musulman, il va te le dire. Parce que la maladie qui tue le plus de gens, ou parmi les maladies qui tuent le plus de gens, c'est quoi? C'est le sida. C'est à cause de quoi? Zina dans le haram ou l'adultère. On est d'accord. Il va dire, je suis d'accord. Tu vas me dire, passer ces nuits dehors, toute la nuit, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la nuit et le jour, la nuit pour repos. Et le jour pour activité, pour adorer Allah Azza wa Jalla, travailler, mais bien la nuit aussi pour adorer Allah Azza wa Jalla, mais en général pour activité, pour travailler, autre. On est d'accord. Mais tu me dis la musique ça détend, c'est bien, d'accord. Dis-moi où tu as vu une personne boire de l'alcool, prendre de la drogue, côtoyer des filles, passer sa soirée dehors sans écouter de la musique. C'est possible ça ou pas? D'accord, parlons concret. D'accord, je n'aime pas utiliser certains propos dans une mosquée encore moins, walakin ici on va faire comprendre bien que les gens sachent de quoi je parle. Ceux qui se rendent dans des endroits qui est la maison ou parmi les maisons de Shaitan, on voit de quel endroit je parle, les boîtes de, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des jeunes qui vont dans cet endroit alors qu'il y a de la musique, qu'il y a des femmes, qu'il y a de la drogue, d'accord, mais qu'il n'y a pas d'alcool? C'est possible. Vous dire tant qu'il y a des femmes, c'est la nuit, il y a de la musique, il y a des drogues, ça va. Allez, on va continuer. On va dire, il n'y a pas de drogue, mais il y a de l'alcool, il y a de la musique, il y a des femmes. Ils vont dire, oui, c'est possible, pas de drogue, il y a l'alcool, il y a la musique, d'accord. Maintenant, on va faire le cas inverse. On va mettre de l'alcool, on va mettre ici des femmes, et par contre, il n'y a pas de musique. Ils rentrent dans cette boîte d'eux, mais ils rentrent, calme. Comment voulez-vous qu'ils s'amusent? Comment voulez-vous, comme ils disent entre guillemets, ils s'éclatent? Comment voulez-vous qu'il y ait une ambiance? Comment vous, la preuve, ils payent même des personnes qui s'appellent DJ pour animer la soirée parce qu'il faut vraiment exciter d'une certaine façon les gens avec certaines musiques. Quelquefois des musiques douces, quelquefois des musiques excitantes, quelquefois, c'est ça, tout est basé sur ça. La musique, on est d'accord ou pas? Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cet excitant. Sans cet excitant, il n'y a plus de soirée. Regardez un pauvre jeune, miskin, il roule en Super 5, il met une musique qui l'excite, mashallah, il se croit dans une Porsche. Combien il y en a des comme ça, c'est vrai ou pas? Et il est dans son monde. Et après, quand il coupe la musique, ah, il descend de sa voiture, regarde sa voiture, il redescend sur terre, dit miskin. Et après, il remet. Combien il y en a des comme ça? Ça, c'est la preuve que c'est un excitant et que ça te sort hors de toi. Ah, mais est-ce que tu vas réagir pareil avec le Coran al-Karim? Au contraire, wallah, même si t'es dans une Porsche et t'allumes ici le poste et tu mets le Coran al-Karim, wallah, il adim, tu vas descendre de la voiture, tu vas regarder ta voiture, tu vas te sentir comment? Mal. Tu vas dire, ib, gars, subhanallah. Bien que c'est peut-être pas haram en soi, ça dépend du cas, hein. Mais on va dire, tu l'as acheté illicite, tu donnes beaucoup d'argent, mais tu vas dire, subhanallah, moi je viens d'entendre ici des versets coraniques sur Zohd, sur Taqwa, sur Nar, sur l'Akhira, et moi je dis, porte, tu vas te sentir, regarde, ça te rabaisse, ça te laisse ou ça te fait garder les pieds sur terre. Tandis que la musique, même dans une Super 5, ça t'arrive à te mettre, à t'envoyer aux États-Unis, à Hollywood, à je ne sais où, t'es en train de faire des rêves. Et on voit les jeunes, quand ils parlent, quand ils écoutent de la musique, ils sont dans un monde. Et même la preuve, les choses qui te rendent ici, quand tu deviens indépendant d'une chose, ça, t'en as besoin, c'est quelque part une drogue. On sait. Quand quelqu'un dit, mais non, c'est pas grave, la cigarette, c'est pas aussi haram que vous dites, bah arrête de se fumer, je peux pas. Ah, indépendance, drogue. Pour ça, même les non-musulmans, ils disent une drogue. Les non-musulmans, ils disent c'est une drogue. Tout ce qui te rend indépendant, d'accord, et qui ne fait pas partie de la religion, c'est une drogue illicite. Un matin, tu me dis, moi, je suis, wallah, il adim, je peux pas me passer dans le Coran al-Karim. Quelque part, attention, je mesure mes paroles. Quelque part, c'est une drogue licite. Il n'y a pas de problème. C'est quelque chose c'est indispensable pour toi. Il n'y a pas de problème. La religion, ma prière, je ne peux pas m'en passer. Masha'Allah. Faire qiyamul layl, masha'Allah. Donner des aumônes, masha'Allah. Mais en dehors de la religion, ce que tu as vraiment, tu ne peux pas t'en passer. Et qui n'est pas licite dans l'islam, c'est quelque chose de haram. Et qui n'est pas licite dans l'islam, c'est quelque chose de haram et tu dois t'en écarter et c'est un grand mal pour toi. Et ce mal-là peut courir à ta perte ou causer ta perte définitive. Fid dunya wa fil akhirah. Man 'asha 'ala shay'in mata 'alayh. Combien de jeunes sont morts en train d'écouter de la musique? Et nous on en a vu, et fa wa rabbil ka'ba, moi j'en ai déjà la vie. Des jeunes qui écoutaient de la musique et qui sont morts en train d'écouter de la musique. Et qui vont ressusciter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en train d'écouter. Ah, faut pas exagérer, la musique, c'est pas grave, hein. Va devant ta mère et mets la musique à fond alors. Oh, chou, bah, ib. Imagine-toi, tu restes devant Allah en train d'écouter de la musique. C'est ib ou pas? T'aurais honte ou pas? Alors que l'autre à côté de toi, peut-être il va rester devant Allah, Azza wa Jalla, en train d'écouter le Coran al-Karim. Ou alors, sajid, prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde la différence. Jaza'an wifaqa, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il parle de rétribution, équitable. Tu as fait le bien, tu seras rétribué par le bien. Tu as fait le mal, tu seras rétribué par le mal. Jaza'an wifaqa. Tu n'auras que ce que tu as mérité. Est-ce que tu aurais honte de ressusciter devant Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a dit « وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Celui qui a dit « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ » Est-ce que vous pensez qu'on vous a créé sans but? Tu ressuscites devant lui Allah subhanahu wa ta'ala en train d'écouter de la musique. C'est pas grave. C'est grave. C'est une catastrophe. Juste en apportant des preuves logiques qui sont conformes au Coran et à la Sunna, بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ Allah Jalla wa'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran al-Karim sur la musique? Il dit, bon, on a entendu le prophète. Par rapport aux preuves logiques, c'est assez clair. Continue. Regarde ce qu'Allah dit dans le Coran al-Karim. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ Mujahid, le grand savant, exégète du Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, صَوْتُ الشَّيْطَانِ هُوَ الْغِنَى Il dit, Allah Azza wa Jal, et excite. Il parle à qui? À Shaytan. Et excite ceux que tu pourras d'entre eux avec ta voix. Avec la voix de Shaytan. وَاسْتَفْزِزْ Une traduction approximative. Excite-les. C'est-à-dire, sors-les hors d'eux. Mets-les hors d'eux. Excite-les. Rends-les fous. On a dit que c'était un excitant la musique. Allah l'a dit dans le Coran. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ Quand vous voyez quelqu'un qui est possédé, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ Pourquoi Allah donne cet exemple? Celui qui mange, qui pratique des intérêts usuraires, ressuscitera auprès d'Allah Azza wa Jal que comme celui qui a été bouleversé par le toucher de Shaytan. C'est-à-dire, quelqu'un qui a été touché par Shaytan, il a ash-shayatin en lui wa al-iyadu billah. Quand quelqu'un va lui faire ruqya shar'iyya, il va sauter partout, il va crier, il va faire des gestes comme ça, d'accord? Quelque part, il va, qui va le trouver le mot? Il va danser. Quelle différence entre lui et celui qui danse, billah alaykoum? Il y a une différence ou pas? Celui-là qui est possédé, qui saute, et celui-là qui fait comme ça, qui est en train de sauter partout comme un singe. C'est un, il danse, l'autre, il danse. Il n'y a pas de grande différence. Pourquoi il n'y a pas de différence? Un, il est possédé, l'autre, il est possédé. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ Et excite ce que tu pourras d'entre eux avec ta voix. C'est la voix de Shaytan. Quelque part, il est possédé par la voix de Shaytan وَالْعِيَّدُ بِلَهِ qui lui est rentrée, qui est passée par les oreilles directement où? Chez le roi, au cœur, al-qalb. Et il commence à sauter partout. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ La voix, Mujahid a dit, صَوْتُ الشَّيْطَانِ هُوَ الْغِنَى صَوْتُ الشَّيْطَانِ هُوَ الْغِنَى Allah Azza wa Jal, il en parle dans le Coran al-Karim encore. Et il dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ اللَّهُ وَالْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim avec une traduction approximative. Et parmi les hommes, il en est qui dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer, regardez pourquoi, la musique pourquoi, pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Mais qui va nous dire que ça veut dire la musique? C'est qui a compris le mieux cette religion? C'est qui? Après le prophète alayhi salatu wassalam, l'islam, c'est les compagnons. Radiyallahu anhum wa ardahum. Donc on va voir les grands compagnons qui ont expliqué bi sanadin sahih avec des chaînes de transmission authentiques. Et à leur tête, il y a Turjuman al-Quran qui est Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et parmi eux, il y a qui? Mujahid, il y a Abdullah ibn Mas'ud, etc. Qu'est-ce qu'il a dit Abdullah ibn Mas'ud? Radiyallahu anhu wa arda an hadhihi al-aya wa min an-nasi man yashtari lahu al-hadith li yudilla an sabilillahi bighayri ilm wa yattakhidhaha huzwa ila dit 3 fois 3 wallah wallah wallah. Que ce verset coranique parle de quoi? Que ce verset coranique, il parle de al-ghina, la musique. Clair? Qu'est-ce qu'on dit encore, les gens de science? Donc, on a vu que, ici, Abdullah ibn Mas'ud, il a dit que ça parlait de la musique. On a vu avant que Mujahid a dit que la voix de Shaitan, c'était Al-Ghina. Abdullah ibn Abbas, il dit la même chose. Que qui? Que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, sur ce verset coranique. Et le Athar, il est rapporté par Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad, authentifié par Sheikh al-Albani. Rapporté par Al-Bukhari dans Adab al-Mufrad. Ici, Abdullah ibn Abbas, il dit, il a été révélé au sujet de Al-Ghina, la musique, la chanson. Au sujet de la chanson, et c'est semblable. Au sujet de la chanson, et c'est semblable. Donc ici, d'après l'explication des gens de science, et certains vont dire, Ibn Hazm a dit, Ya Akhil Habib, tous les versets, tous les hadiths, toutes les paroles des compagnons, tu vas dire, Ibn Hazm a dit. Déjà, l'époque d'Ibn Hazm, c'est pas la musique techno qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Smahliya, mon frère. Je pense qu'Ibn Hazm, même s'il aurait vu la musique d'aujourd'hui, jamais il aurait osé. Ibn Hazm, il y avait la musique qu'il y a au jour d'aujourd'hui. L'ahbal. Chaque mois, il te sort une musique, tu te dis, même Shaitan, il doit trouver ça étonnant. Et toi, tu me dis, Ibn Hazm. Regarde dans les détails, qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Hazm. Déjà, un, c'était à son époque. Deux, Ibn Hazm. Et moi, je te dis, Abdullah ibn Abbas a dit, Abdullah ibn Mas'ud a dit, les savants ont dit, Allah a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit. Continue avec moi. Ça, c'est ce qu'on dit, les gens de science. Un homme est venu voir Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an abi, turjuman al-Qur'an, qui a expliqué ce verset dans Adab al-Mufrad de Sahih al-Bukhari. Et il dit, ici il parle à Abdullah ibn Abbas, il dit, ara'ayta al-ghina, il dit, concernant la chanson, il lui dit, ahalalun huwa am haram, c'est licite ou c'est illicite? Regardez Abdullah ibn Abbas comment il a répondu. Il dit, faqala ibn Abbas, ara'ayta al-haqqa wal-batil, est-ce que tu as vu le vrai et le faux? Il lui dit, إذا جاء يوم القيامة, فأين يكون الغنى? Il dit, si ça vient le vrai et le faux, au jour de la résurrection, tu vois le vrai devant toi et le faux à côté. الغنى, tu vas le mettre où? Pour toi, tu vas le mettre où? Tu vas le mettre dans les choses bonnes, les choses vraies ou les choses fausses, les choses égarées? Il lui a répondu quoi? قال الرجل يكون مع الباطل. Il a dit, c'est bien sûr ça, je ne vais pas le placer au jour de la résurrection, ça vient devant moi, le haqq ou le batil, je vais mettre le ghina dans le haqq, je vais le mettre dans le batil. Il lui dit quoi? Faqala ibn Abbas, idhhab faqad aftayta nafsak. Il lui dit, par ça, ikhlas. Faqad aftayta nafsak. Tu as donné la fatwa à toi-même, tu as trouvé la réponse. La preuve que quoi? Quelquefois, utiliser la logique, tant qu'elle est conforme au Coran et à la sunna, bifahmi salafi l'umma, c'est demandé. Abdullah ibn Abbas a donné un exemple clair, concret. Comme moi, j'ai donné d'autres exemples clairs et concrets, qui sont compréhensibles à tous et à toutes, à notre époque. Et avec la logique, comme on a dit tout à l'heure, on a prouvé clairement qu'avec la logique, qui est conforme au Coran et à la Sunna, que Al-Ghina, c'est quelque chose de haram. Que dire alors, ayyuhal ahibba, des gens qui rendent autorisé, au jour d'aujourd'hui, la musique, et qui disent, ce n'est pas grave, ça apaise. Nous leur disons, si tu veux quelque chose vraiment qui apaise, il y a la meilleure des paroles sur la surface de la terre, qui est Al-Quran Al-Karim. Le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu dis c'est pas grave, après que tu aies lu tous ces hadiths et tous ces versets, le moins qu'on puisse dire c'est que tu es une personne très, très, très, et continue si tu veux, très malade. Wal'iyadu billah. Avec tout ça, tu vas me dire ce n'est pas grave, faut pas exagérer. À l'époque où les gens maintenant ils ont embelli cette musique, et tu vois au nom de quoi? La bonne intention. On met, comme certains disent, des anachides, d'accord? Certains gens de science disent, on préfère pas appeler anachides comme Cheikh Al-Albani. À la kulli hal, on se comprend. Les chants islamiques, d'accord? Ou des poèmes islamiques, accompagnés d'instruments de musique. Et ils disent, ce n'est pas grave, c'est l'islam. Ya akhil habib. La plupart des ahadiths, ils parlent de quoi? Al-ma'azif. Les instruments de musique. Les instruments de musique sont interdits, sauf illa bidalil. Sauf avec une preuve comme, les femmes, ad-nisa, baynahun, entre elles, pendant une période ou une soirée de mariage. Ou alors un jour de fête, pour ceux qui ont élargi. Donc ici, concernant une soirée de mariage, s'il y a des femmes entre elles, et ils utilisent ce qu'on appelle être douf, et qu'il n'y a que des femmes entre elles, les hommes n'entendent pas les voix des femmes, et ici, ils sortent des paroles saines, pas contraires à la morale de l'islam, de la religion, la haraj la ba's, ça c'est autorisé. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a autorisé le jour de l'Eid, des femmes, des jeunes filles plutôt, chanter, d'accord? Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? À qui? Abu Bakr l'a dit, laisse-les. Ça, c'est notre jour de fête. Et les savants, ils ont dit, c'était des fillettes, c'était des petites filles. Donc, il y a des moments où il y a al-farah ici, à la joie, la réjouissance, etc. Il n'y a pas de problème. Les femmes, entre elles, qui chantent entre elles, avec douf, la basse. Amma, pour dire les hommes, ils ont droit d'écouter aussi, ou alors les femmes, ils ont droit d'utiliser douf à n'importe quel moment? Non. Ça, c'est une porte ouverte à quoi? Au mal, à char. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, la tattabi'u, ما قال جل وعلا لا تتبعوا الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان. Ne suivez pas le diable. Non, ne suivez pas les pas du diable. Il y a des étapes التدرج qui est utilisé par الشيطان لعنه الله, des étapes qu'il utilise Shaitan pour nous faire tomber dans l'égarement. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et vous savez que la phrase c'est pas grave, je pense que ça doit être une des phrases préférées à Shaitan, qu'il fait rentrer dans la tête, dans les oreilles, dans les cœurs des gens. Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas grave, mais ce n'est pas grave. Pourquoi je dis ça? C'est prouvé, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent c'est pas grave. Et ils ont banalisé des péchés, ce qui est interdit en islam. Ce qui est interdit en islam, de banaliser des péchés. Donc nous disons de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et que quand quelqu'un veut écouter des chants islamiques, il n'y a pas de mal. Comme l'a autorisé Cheikh Ibn Baz dans sa fatwa claire. Et seuls les égarés disent, mais non, vous savez pas ce qu'a voulu dire Ibn Baz, vous avez... Subhanallah, t'as oublié qu'ici être devin c'est haram? T'es qui toi pour dire il a voulu dire... Il a dit clairement, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, c'était pas un savant. Cheikh Ibn Baz, est-ce qu'il aurait dit une fatwa ambiguë? Clair, il a autorisé. Les ulama, ils ont autorisé les chants islamiques. À partir du moment où, bien sûr, tu n'écoutes pas plus de chants islamiques que de Al-Qur'an Al-Karim. Et ici, c'est de temps en temps, et c'est une des causes, sabab min al-asbab. D'accord? C'est une cause parmi les causes que l'iman yazid, que la foi elle augmente parce que c'est des paroles qui parlent d'Allah, du prophète, et il n'y a pas d'instrument de musique, la baisse, il n'y a aucun mal. Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucun mal. Ici, il y a un juste milieu à adopter. Voilà qu'il pour mettre des instruments de musique, wal'iyadu billah, fahada la yajouz. لا يجوز لا يجوز والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.